Vers Venise, publié une première fois sous ce titre en 1910, après plusieurs séjours de l'auteur en Italie, est le titre de la première partie du voyage du condottiere. Après avoir parcouru la Lombardie, être entré dans Milan et Mantoue, nous parvenons à Venise, au terme de nombreuses descriptions d'œuvres d'art, de villes, de paysages et de sensations diverses. Page arrachée au voyage du condottiere d'André Suarez. Premier livre, Vers Venise. Extrait. Entrée à Venise. Nuit de juin. This is Venice. Shakespeare. On arrive à Venise comme, après tous les méandres de l'insomnie, on finit par descendre sur la plage d'un songe. On vole vers Venise comme à un rendez-vous d'amour. La hâte du désir fait compter les minutes lentes. On désespère de toucher au bonheur. La ville ne paraît pas. Rien ne l'annonce. On la cherche au levant. On s'attend à en voir quelques signes et sur le ciel flotter les pavillons de la chimère. L'horizon où elle se dérobe est un infini muet, miroitant et désert. Parfois, on a cru découvrir une tour, un clocher sur la plaine marine, mais on doute du mirage salin. Est-ce la mer? Est-ce la terre ferme? Ou plutôt, quel mélange fluide, quel transparent accord des deux pattes sur la palette? Tout est ciel. C'est le ciel immense des salines, une vasque de rose et d'azur tendre, un océan de nacre qui rise çà et là quelques perles de nuages. On appelle la mer, et on l'a au-dessus de soi, ce firmament tranquille. Puis, le crépuscule rougit. Une tache de sang coule sur la voûte et s'étend vers la terre. Venise n'apparaît toujours pas. Elle est là-bas pourtant, dans l'ombre lucide, d'un violet si délicat et si languissant qu'on pense au sourire de la volupté douloureuse. Je ne voyais encore ni ville, ni village, ni voiture, ni bateau. Mais le ciel portait des voiles, et les nefs y volaient à présent, dorées à l'étrave. Il me semble que tout bruit a cessé. Je glisse sur un lac, comme sur un bassin le martin pêcheur. Et voici la mer, la mer, la mer. Je la sens, je la devine. Je suis enivré, dès lors. J'ai connu la sirène pour la première fois au jour du plus long crépuscule. Je trempais dans un prisme liquide, toutes les couleurs et toutes les nuances, depuis la pourpre jusqu'au reflet de la soie verte la plus pâle, quand elle est comme l'ambre ou comme la liqueur d'absinthe à peine battue d'eau. L'œillet rouge du ciel s'éparpillait en pétales sans nombre. Une caresse de l'air me touchait tendrement au front et aux tempes. L'odeur enivrante de la mer me vint aux narines. Le souffle suave et salé qui lève des flots. Enfin, des clochers pointus sortirent de la lagune comme les épines d'une rose et ils étaient safran du bout. J'arrivais. On rêve de Venise avant d'y être. Et sans le savoir, soudain, on y est en rêve. Ce fut ainsi, à la fin du jour, que j'entrai chez la reine des sirènes. Le vacarme du train, le grondement de la ferraille et des machines tomba comme une pierre dans un puits. Je sortais de la gare comme je me vis sur l'eau, dans un fleuve de fleurs. Le ciel, sur les étages en dentelle, était une lèvre de sang vermillon. Puis l'adorable silence. La gondole me prit et de la nuit entière je ne la quittais plus. Je me roidissais de joie sur les profonds coussins. Je n'avais rien avec moi que moi-même. Bonsoir à la cohue. La gondole file sur les flots d'émeraude et de pollen rouge. Je suis flèche et fleur moi-même dans cet air, sur cette eau verte, parmi toutes ces pierres qui fleurissent. Habile, toujours aux aguets, prompte et docile, penché à l'avant sur sa rame noire, le souple gondolier est bon à voir, comme l'ouvrier qui aime son travail. Et il tourne le dos à son maître, pour qu'il soit roi de son plaisir. Le sang doré de la lumière ruisselle des façades, en effusion nuptiale. Je croyais voir Iseux, jusque-là ensevelie aux vagues de Cornouailles, surgir doucement de la mer orientale, reine bayadère, damnée peut-être, mais dans la joie d'un éternel plaisir. Ses dômes, ses pointes, ses seins, ses doigts, ses ongles de Venise, tout n'était que caresse pour le ciel brûlant et pour l'eau caressante. Les flots, éblouis de la poupe, la baisent et la suivent, battant des cils. Au Rialto, j'ai rangé des chalands pleins de fruits. L'odeur des fraises parfumait la rive. Sur le grand canal, il pleut des violettes. La nuit vient, avec ses cœurs de pavot et ses mauves. Les hautes cheminées s'évasent en calice, et sur les palais maintenant, elles dressent, plus grises, les stèles en turban des tombes turques. Amarrées au ponton, les gondoles se balancent. Elles se touchent au rythme d'une respiration lente et tranquille. Et l'amarre sèche pousse son petit cri. Croisant leur route, d'autres barques vont et viennent, plus brusques que des ombres et non moins silencieuses. On les frôle. Elles glissent, elles s'évanouissent, fantômes de noir velours, à l'œil rouge au bout d'une antenne. Et le fanal n'est déjà plus qu'une goutte. On devine les passants, assis sur les coussins de cuir, et tous, on les tient pour des amants. On est sûr qu'ils s'enlacent, que la femme est jeune, belle, suave, toute chaude d'un feu doux, que l'homme est ardent, fort et noble. Quelle ville pour les marins! Tout flotte et rien ne roule. Un silence divin. L'odeur de la marine partout. Même ignoble, au carrefour de l'ordure croupie, des choux pourris, des épluchures et de la vase, l'odeur salée se retrouve encore, et toujours monte la douceur sucrée du filin, et l'arôme guerrier du goudron, cet Othello des parfums. C'est un bonheur d'aller grand air sur les eaux dociles. Le charme de Venise contente tout caprice, et moins l'on sait où l'on est, moins l'on sait où l'on va, plus l'issue a de grâce, le plaisir s'y parent de la surprise. Il n'est canal qui ne mène à la lumière. Nous volions. Le rameur me sourit. Comme nous tournions lentement dans une ruelle, il me demanda si j'étais grec ou de Paris. « Je ne suis pas d'ici, lui dis-je, mais je suis en amour dans ta ville. Qu'importe d'où je viens, ta ville me fait pâmer. » L'homme comprit. Parfois, on entend des cris dans le grand silence. Est-ce un appel, un adieu, la cime d'un chant ou un rêve? Je n'ai pas ouï les bateliers se répondre en tercet de Dante. Ils n'ont pas lancé pour moi comme des balles sonores les rimes du Tasse, mais j'ai perçu les rythmes de la volupté, les rires des femmes sur l'eau, et de légers sanglots dans un coin d'ombre veloutée à San Trovaso. La nuit s'est faite. Les palais du Grand Canal sont des torches qui brûlent dans une flamme heureuse. Ils se dressent soudain, ils flambent, ils éblouissent, ils sont de feu et d'écume. On passe, ils sont éteints. La ville enchantée est riche ainsi en apparitions sous les étoiles. Telles des veines, prenant du Grand Canal qui brille, les ruelles de poids sinuent dans les ténèbres. Au creux de ces hypogées, la profondeur est sombre comme un cœur jaloux. Les maisons sont des fantômes. Les formes vacillent. Toute lueur pend sur l'eau comme un linge carré. Et de loin en loin, dans les murailles aveugles, veille une lampe funèbre. En vérité, la gondole est faite au pied de Venise. Née de l'onde, l'une et l'autre, avec Vénus. Et ton nom aussi, Venise, le veut dire. La sandale marine glisse sur la lagune, sans bruit et presque sans mouvement. Elle longe le bord ombreux du canal, et l'autre rive rit dans la lumière. Je ne m'endors point, je n'ai point d'appui sur cette paix frémissante. La gondole, tout de même, n'est qu'un petit cercueil sur la mer. J'ai la sécurité d'un danger que je souhaite, la certitude enfin d'avoir quitté le monde. La séduction la plus puissante de Venise se révèle. Loin d'être le calme, c'est l'indifférence à tout ce qui n'est pas un grand sentiment. Les plus pauvres d'amour comptent au moins sur le plaisir à Venise. Les autres s'y offrent aux orages du feu. On espère la beauté de l'incendie et le bonheur dans la passion. Et tel est le génie de la sirène, qu'on y attend la passion comme sur un lit. On ne la cherche, on ne l'appelle pas. L'obscurité et le silence n'invitent pas mon âme au sommeil, mais je me tends dans une ombre conjugale, chargée des parfums et de tout le délire que la chair désire parfois, comme par vocation. Ce noir canal où je tourne, dont l'eau fascine par un regard bleu de folle, ne semble-t-il pas trembler entre deux places aux lumières prochaines, l'une d'enchantement et l'autre de mélancolie? Une ivresse d'amour était en moi. Le nom de Venise passait sur mes lèvres comme une violette, et j'en suçais le miel de volupté. J'étais presque seul. La fureur de posséder la ville me dévorait. Je trempais ma main dans l'eau câline et fraîche, aux franges d'argent. La nuit s'avançait, poussant les troupeaux des étoiles. L'ours, déjà, était renversé et le chariot roulait sur la roue droite. Des gondoles chantèrent, toutes pavoisées de lanternes, pareilles à un verger de clarté. Et les oranges lumineuses étaient multipliées par l'eau, et les pêches, et les fruits verts, et les fruits bleus. Toutes ces lumières en cage répandaient une gaieté exquise. Leur prison de papier était-elle de soie? Rien n'a plus de douceur. Que les belles sont belles, aux lanternes, la gorge nue et la nuque ployée sur leurs cheveux défaits. Un sillage enchanté de rubans tient le canal en laisse. La lumière sur l'eau est fée. Ces barques nocturnes ne sauraient promener que des amants avec leurs épousées. Transparente et cachée, cette joie est nuptiale. Tandis que les musiciens égratignent les cordes grêles et que les mandolines égouttent leurs menues perles de métal, les chants n'endorment pas les amants enlacés, mais dissimulent les baisers qu'ils bercent. Tout s'est tu, bientôt. Le murmure amoureux de la ville a soulevé ma vie, a soufflé sur les feux de mon âme. Ma solitude a vacillé d'angoisse. Dur moment où j'ai coulé mon bronze. Je me suis roidi à la fonte. J'ai fait d'autres flammes avec toutes ces flammes et ces brasiers, et j'ai su que je pourrais ne pas céder. J'aime cette ville. Elle est mon désir. C'est pourquoi elle ne saurait me vaincre. Cléopâtre, Cléopâtre, tu ne me retiendras pas. Avec tous les arts de Balkis et de Circé, tu n'auras pas raison de moi. Je ne suis pas venu de si loin pour tomber sur un lit de délices au fond d'une chambre courtisane. Nous avons bu aux esclavons un vin rouge de Chypre, et plus tard dans un bouge aux atterrés avec deux jeunes filles, et l'une pleurait sous une lanterne rouge. Quand l'étoile du matin s'est levée sur le Lido et les îles, le batelier m'a enveloppé d'une couverture noire. Il m'a supplié de dormir, il avait peur pour moi. Et c'est lui qui a dormi une heure. Que cette heure fut féconde. Au milieu de toute cette volupté, je prends ma force à deux mains, comme une hache. Je fends l'espace obscur qui me séparait encore de mon vœu le plus profond et de ma volonté. Dans cette gondole, je finis la tragédie de la mort et du désespoir le plus sombre que je portais depuis 10 ans. Je connais un amour plus fort que les délices, plus vrai que les baisers. Un amour qui peut vaincre le désir et qui ne doit pas être rassasié. Le jour va naître. Le soleil rouge s'élève dans les cyprès de Saint-Lazare. Et telle fut mon entrée au rêve de la ville sans pareil, de la ville adorable. Beauté de la reine. À Venise, en été. C'est l'architecture qui dit d'où les hommes viennent. À Venise, comme à Saint-Marc, partout l'Orient. Mais il y est soumis à la joie, aux règles, à l'action d'une adorable comédie. Il fait vitrail entre le ciel et la terre. Il est musique. Il est conquis dans le royaume de féerie par des magiciens, amis de l'homme libre. Et l'Orient, qui parfois me rebute, me conquiert à Venise, parce que je n'ai plus à m'en défendre. Le palais des doges est le désespoir du style et le triomphe de la plus forte fantaisie. Pareil au tabernacle de Sion, il est l'arche sainte portée d'outre-mer, depuis le levant fabuleux jusque aux lagunes, et laissée sur la rive, par les anges, pour les Romains des îles. Sur deux étages de colonnes pèse la masse colossale, le cube de marbre rose, image de Venise montée sur pilotis. Et tant de grandeur, tant de puissance gracieuse sur des bases si fragiles, voilà qui me touche. Que ce mur géant, les deux faces du dé sur la mer et sur la place, a de beauté. C'est un titan plein de grâce, une des plus belles surfaces qu'il y ait au monde, et comme elle est vivante, en sa nudité énorme et rose, semblable à de la chair. Les losanges qui l'incrustent, et sur chaque bord les fenêtres ravissantes, l'animent d'un rythme grave et charmant. Elles créent, ces fenêtres, des proportions merveilleuses. Le caprice a les effets d'un goût souverain. On dit de ce mur immense qu'il écrase les galeries inférieures et qu'il les enfonce en terre. Telle est la folie des critiques. Ils reprochent à une œuvre sans pareil ce qui la rend unique. Ils sont prêts à l'admettre telle qu'elle est, pourvu qu'elle ne soit pas ce qu'il fallait nécessairement qu'elle fût. Le ravissant étage de la galerie supérieure ne saurait être accablé par le dé qu'il élève, fût-il plus colossal encore, car il ne porte pas sur les colonnes ni sur la galerie, il flotte sur le ciel. La galerie est si pénétrée d'azur, d'air courant et de lumière, que le vaisseau rose du palais n'a plus de pesanteur, pas plus qu'un navire sur l'eau, quelque léviathan qu'il paraisse. La nef de pierre flotte en souriant. L'architecture des Vénitiens est unique, comme leur ville. Quel autre eût mieux convenu à la cité fluide? Elle est faite pour le mirage d'eau, et elle est née de la marine, comme Aphrodite. Ils ont fait pour le mieux qu'on put faire. Ils ont bâti contre la pesanteur. Leurs murs ne sont pas des écrans, mais des filets pour la lumière. Leurs façades sont des mailles à prendre les couleurs et les reflets du jour. Il en est de Venise comme d'une amoureuse en fête. La toilette est l'annonce et le voile du plaisir. L'architecture de Venise est le manteau de soie, la robe de volupté, le vêtement du bonheur que les Vénitiens ont eu d'y vivre. Ville tentatrice, sa loi est l'illusion. Or, l'illusion est l'amour, toujours jeune, que nous avons pour les choses, la jeunesse que la vie garde pour elle-même. Toute architecture, à Venise, est dans la lumière. C'est la lumière qui peint pour l'architecte et lui choisit ses ordres. Comme la dentelle est un tissu en elle-même, et non une broderie sur une trame de fond, l'architecture de Venise est un miroir ouvert au ciel et à la lumière. Ce ne sont point les espaces, ici, qui définissent les façades, mais les fenêtres. Les murailles sont à jour, comme la dentelle se tisse à point clair. Le fond, non moins que le dessin, tout est dû au travail de la fantaisie qui orne. L'ornement ni le jour ne s'ajoutent point à la trame, ils la constituent. Et comme le dessin de la dentelle a des limites que la broderie ne connaît pas, l'architecture vénitienne est bornée en tous sens par l'espace et par le plan d'eau mouvante où l'architecte pose ses assises et ses étages. Il n'est libre qu'à l'égard du ciel, qu'il invite à pénétrer la muraille, et c'est dans la hauteur qu'il se donne carrière, jusqu'à la limite de la solidité. La légèreté et la grâce sont les éléments de l'harmonie à Venise. Beaucoup de petits palais ne plaisent que par le rythme délicieux des vides et des pleins, à la façon des dentelles. Les bords, comme des bandes, font cadre à l'ensemble. La dentelle est venue d'Asie. À Venise, je pense aux persans. Les rinceaux, les rosaces, les mufles de lion, les feuillages, autant de points coupés. Le point de rose fleurit tour à tour chaque rive éclairée du grand canal. La façade est un reposoir d'heureuses rêveries où l'on appelle la présence de beaux couples à la fenêtre. Toute architecture régulière est de manque au miroir de ses eaux. Elle est en défaut parce qu'elle ne joue pas assez dans les jeux de la lumière changeante. Ici, l'architecture va et vient entre deux eaux, l'eau diaprée de la lagune et l'eau du ciel solaire. Les ordres ordinaires y sont lourds, grossiers, d'une froideur sépulcrale et compassée. Ils fixent à contresens tout ce qui est nuance et mouvement. La saluté est un paradoxe de docteur. Les pires façades, au contraire, les plus bouffonnes même, font plaisir, ça et là, à de certaines heures, pourvu qu'elles accordent une souple fantaisie aux caprices de la lumière. Elles ne sont pas elles-mêmes, elles sont leurs propres reflets qui tremblent. Elles aussi participent de l'eau, et elles voguent sur l'eau, elles se balancent. Elles sont néréides et aquatiques. On ne doit pas être curieux de leur base ni de leur fondation. Elles sortent, pour plaire, du mirage marin. Elles se gréent de voiles, telles les flottes à l'horizon du golfe, les quatre mâts chargés de toile ou les barques. Saint Moïse, qui semble de crème à la frangipane et de sucre neigeux, tremblote au crépuscule et, quoique sur une place en terre, semble d'eau ridée par le vent. Il ne faut point se disputer à son plaisir dans la conque de Vénus voluptueuse, il ne faut qu'en jouir. Cadoro, merveille de poésie, voilà le plus charmant palais pour Miranda. La maison en fleurs de pierre est faite pour épouser la vie et non pour s'en défendre. Elle n'est pas l'asile où l'on s'abrite, le lieu où l'on rentre pour manger et dormir, mais le palais de fête qu'on a choisi en sa forme et son ornement pour y vivre avec bonheur et goûter les voluptés qu'on préfère. Séjour d'un prince insulaire, palais sans lourdeur et même sans gravité, la Cadoro n'évoque ni la crainte, ni la force, ni le souci jaloux de la retraite. Son ordre est celui des fleurs, qui ne semble si charmante que pour se plaire à elle-même. Les pierres à jour font penser à une treille de rose portée sur des iris, dans un cadre de glaïeul et de lys rouge. La hauteur délicieuse de cette façade sans assise apparente efface de l'esprit le sens de la pesanteur. La massive idée du luxe tombe aussi devant la richesse exquise. La Cadoro est un sourire de femme, la maison de la princesse amoureuse. Elle a la gloire de la jeune épouse. Le visage respire la sérénité du bonheur, et le grand canal mire cette douceur sereine. Une gaieté tranquille, la certitude d'être belle, une sorte d'ardeur coquette à séduire, la figure de Miranda est celle de sa maison. Une grâce aérienne soulève la demeure en dentelle et fait frissonner ses ogives aux points de rose, ses rosaces et ses trèfles. La façade respire avec la vague courte. Elle sommeille avec le canal, dans la sieste de midi. Au couchant, la galerie des fenêtres paires s'enflamme d'or incarnat. Et c'est vraiment alors le cœur de la roseraie, en sa douceur brûlante, sous les lèvres du crépuscule. Miranda peut venir au balcon, soit que son amant la tienne par la taille, soit qu'elle le guette pour le repas du soir. Mais surtout, la tendre mélancolie de Prospero est sans pareille, qui regarde le palais d'or et contemple de loin, sur le canal, la maison des fées qu'a suscité son art magique. C'était « Page arrachée au voyage du comte d'Authière » d'André Suarez. Premier livre, vers Venise. Extrait. Texte dit par Nicolas Racca. Groupe de réalisation, Clémence Gross, Marie Lepeintre, Élodie Royer, Étienne Vallès. « Voyage du comte d'Authière » d'André Suarez est publié aux éditions Granit.